Chers auditeurs, bienvenue dans votre cyber-revue de presse « L'autre monde », une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Nous en sommes à l'édition du 10 mars 2010 et je me nomme François Marginan et je serai avec vous pour la prochaine heure et demie sur les ondes de la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. OK, alors nous en sommes là à l'émission qui va terminer cette saison hiver. On a commencé celle d'été et puis là, moi, je vais partir vers le Québec et puis je vais me reposer pendant au moins les deux prochaines semaines, peut-être même trois, on verra. Je vais essayer de revenir quand même le plus tôt possible avec vous. Ceci étant dit, ce qui va se passer, c'est que dès la semaine prochaine, donc l'émission fera pause et puis on va se retrouver un petit peu plus tard, là, vers probablement la fin juin ou quelque chose du genre. Alors, donc c'est ça qui est pour l'entrée. Cette semaine, on va parler d'un paquet de trucs encore. On va sûrement toucher à l'actualité mondiale. On va parler un peu de militarisme et puis des aventures militaires américaines à travers le monde. Nous allons aussi discuter de la flottille de la liberté, de l'attaque israélienne. On va donner des développements sur ça. Ensuite, on va aussi toucher le cas du pétrole, du désastre pétrolier qui a cours dans le golfe du Mexique. Et on va aussi essayer de toucher à différents sujets un peu état policier et le Moyen-Orient. Donc, nous en avons assez là pour couvrir une heure et demie. Ça, c'est certain. Comme d'habitude, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, vous pouvez tous trouver les liens vers les informations, vers les articles, les documents dont je discute ici sur l'émission sur mon site qui s'appelle Les Nouvelles Internationales. Alors, vous allez trouver un lien sur la page de L'Autre Monde sur le site de Choc FM où vous faites une recherche dans votre moteur de recherche populaire et puis vous entrez Les Nouvelles Internationales, vous allez trouver immédiatement ce site. Donc, allons-y. Maintenant que l'émission est lancée, j'ai des auditeurs qui m'écrivent une fois de temps en temps. Et cette semaine, j'en ai eu deux qui m'ont laissé des courriels assez intéressants. Donc, je voulais vous partager. Il y en a un qui s'appelle Yannick Desgagnés, qui m'a écrit en me disant qu'il était un fidèle auditeur de la radio depuis presque 2 ans. Alors, merci Yannick d'être à l'écoute. Et il nous écrit, Yannick, pour nous dire qu'il y a le cerveau qui bouille depuis qu'un ami lui a partagé une nouvelle qui m'a fait parvenir d'ailleurs. Et cette dépêche nous est offerte par RDI.ca et par aussi publiée à l'origine sur le site de Radio-Canada. C'est bon, Yannick voulait m'entendre me prononcer à ce sujet. Je vais le faire parce que c'est évidemment une nouvelle très importante. Il s'agirait en fait du terrorisme ici au Canada et puis au Québec. Et ce qui se passe, c'est qu'on va nous déployer une nouvelle machine antiterroriste. Et puis quand on dit antiterroriste, ben lisez, entendez. Contrôle du peuple, des mesures encore plus liberticides, OK? Donc, c'est ça qu'il faut faire référence. Donc, on parle de menaces terroristes, on essaye de vous épeurer avec ça. Vous savez, au Québec, ici, on a plus de chances de se faire frapper par la foudre que de mourir d'un acte de terrorisme, OK? Mais bon, le terrorisme est très dangereux, il faut en parler tout le temps. Donc, vous voyez un peu ici, là, la mesure des échelles qui n'ont aucun sens. Alors, dans cet article, on parle de Québec prend des mesures et on nous parle des corps policiers du Québec qui vont se lancer dans un nouveau programme de renseignement sur les activités terroristes. Mais attention, pour recueillir leurs informations, ils feront appel aux ambulanciers, pompiers et autres qui deviendront en quelque sorte les yeux et les oreilles de la police. Entre parenthèses, ils vont devenir ce qu'on appelle en anglais des snitches, des délateurs. Okay? Alors, des gens qui, pour une raison ou pour une autre, vont dénoncer les gens autour. Pour toutes sortes d'affaires, vous savez, ça a été une tactique du régime hitlérien. Alors, on avait poussé les gens à se méfier les uns les autres en instaurant des programmes comme ça de délation. Ça a été la même affaire aussi au Vietnam, en Russie. Alors, on a des programmes comme ça qu'on installe et puis le but est évidemment de faire taire la population, de terroriser les gens, de les réduire au silence par peur de se faire dénoncer quoi par son voisin. Alors, tout le monde en vient à vivre dans un climat de peur et je dirais de doute. De suspicion. Alors, on se regarde tout avec un regard en se demandant si le prochain va être celui qu'on va dénoncer ou celui qui va nous dénoncer. Alors, ça, c'est un programme qu'on a commencé à instaurer. En tout cas, on a voulu le faire aux États-Unis. Je crois que ça a été instauré dans certains États. Et puis, c'est évidemment très, très dangereux. C'est très insidieux. Pourquoi? Parce qu'on utilise des services d'urgence, OK? Donc des services des ambulances et des pompiers pour rentrer chez vous. Alors, vous savez, la police pour rentrer chez vous a besoin d'un mandat. Alors, c'est plus facile à refuser, à dire non, écoute, mon grand, tu ne rentres pas ici, tu n'as aucune raison de venir chez nous, puis commencer à regarder qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur, et puis prendre des informations, puis monter des dossiers. Parce que vous savez, ça s'est déjà passé. Ici au Québec et puis ailleurs, même au Canada et dans d'autres pays où on a eu des dossiers comme ça qui, vous savez, il y en a un exemple, c'est Robert Bourassa, l'ex-premier ministre, qui détenait des informations sur 30 000 citoyens. Alors, on avait monté des banques centrales de fiches et on les avait détruites en 1976 après l'élection du Parti québécois. Donc, vous voyez là que c'est des affaires qui sont, bon, premièrement illégales, c'est-à-dire de ramasser des renseignements comme ça à l'insu des gens, donc c'est une atteinte à la vie privée. Et puis là, on utilise des corps qui normalement viennent nous secourir, donc on laisse volontiers entrer dans la maison. Ces gens-là n'ont pas besoin d'un mandat parce qu'ils agissent sous évidemment l'urgence. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on mandate ces personnes-là pour aussi jeter un coup d'œil chez vous et puis devenir des espions en quelque sorte. Alors, ça, c'est vraiment pas l'avantage des ambulanciers et des pompiers qui devraient se rebeller très fort contre ça pour refuser de jouer ce rôle-là, qui vont après ça pelleter leur information au service secret et à la gendarmerie royale du Canada qui s'appelle le GRC. Alors, ça, c'est des programmes qui sont déjà fonctionnels en Colombie-Britannique et en Ontario et on veut faire pareil ici au Québec. Okay, donc, on dit évidemment que c'est pour éviter des attentats comme celui qui a visé une succursale de la Banque Royale à Ottawa le mois dernier. Sauf que, comme je vous dis, encore là, c'est tout le temps des faux prétextes qui sont utilisés pour en arriver à instaurer de plus en plus cet état policier, cet état de surveillance, cet état qui finalement viole notre droit à la vie privée et puis viole aussi les lois de protection à l'information et c'est très grave en tant que tel. Alors on dit que le renseignement est le nerf de la guerre contre le terrorisme, mais on s'aperçoit que finalement les gens qu'on surveille, les gens qu'on considère comme étant des potentiels terroristes, ben c'est la population, c'est vous, c'est nous. Donc, voyez, cette nouvelle, allez surveiller, allez lire par vous-même. Vous allez trouver le lien, très important à aller voir. Au Québec, la coordination du programme se ferait en partenariat avec la GRC, la Sûreté du Québec et la police de Montréal. La Sûreté du Québec s'était déjà fait prendre, d'ailleurs, au sommet de Montebello, à se déguiser en manifestant, en faux anarchiste, se préparant à faire de la casse pour faire mal paraître les manifestants. Et après ça, blaster ça à la grandeur des médias. Alors, vous voyez un peu là, les genres d'acteurs qui sont impliqués là-dedans. La GRC et puis les services secrets canadiens qui ont été impliqués dans l'affaire du d'octobre, vous vous rappelez là au Québec, la crise d'octobre qui finalement avait fait passer toute la blâme sur les Felkistes, OK? Mais on avait les Felkistes qui avaient été infiltrés par la GRC puis des agents des services secrets et on a fait sauter des bâtons de dynamite un peu partout, commis des actes pour faire mal paraître le mouvement, pour casser du sucre sur le dos des Québécois. Et voyez, c'est des organisations qui ont des passés historiques vraiment très ténébreux. Et si vous laissez faire ça, chers amis, on s'embarque dans une autre pente qui risque d'être assez néfaste. Alors, voilà ce que j'avais à dire sur ça. J'ai un autre auditeur aussi qui m'avait écrit suite à l'émission passée où on avait parlé des tribunaux de Nuremberg. Et puis, dans l'article de cette semaine sur les sites du Québec, Welcome to La La Land. Eh bien, je poursuis ma pensée. Alors, il faut y aller de façon progressive. Alors, quand j'ai parlé des tribunaux de Nuremberg la semaine passée, en disant qu'on en aurait besoin de nouveau pour traduire les terroristes qui ont attaqué la flottille de la liberté en eau internationale, et j'ai nommé les commandos israéliens, il faut nommer les choses telles qu'elles sont. On aurait besoin d'un vrai tribunal international, on aurait besoin de faire appliquer la loi internationale. Et puis, dans cet article que j'ai appelé Welcome to La La Land, que vous pouvez trouver sur Les Nouvelles Internationales et les sites du Québec, et aussi Sans Papier, la plateforme de journalisme citoyen du Québec. Vous allez être capable de vous rendre compte que finalement, bien qu'on vit dans une illusion où on a un ordre de la loi, okay, où on serait censé avoir des conventions et puis des lois internationales. La loi internationale ne s'applique finalement qu'à deux vitesses. Okay? C'est une loi optionnelle qui s'applique à certains, mais pas à d'autres, dépendant à savoir si les gens se retrouvent au-dessus ou sous la loi. Alors, on se retrouve dans des situations où on aurait eu besoin d'une loi internationale, même dans le passé, comme durant le faux procès de Slobodan Milosevic, qui était l'ancien président de la Yougoslavie, qu'on a débarqué en 1999 avec la supposée guerre humanitaire, un oxymoron honteux, une guerre humanitaire. Pensez à ça 2 secondes. Comment une guerre peut être humanitaire? C'est très orwellien comme tournure de phrase. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on avait bombardé supposément les gens pour les aider. Alors, on s'est retrouvé à bombarder une centaine de sites, je dirais, civils, okay, d'infrastructures civiles et publiques, alors qu'on a touché que quelques cibles. Je crois que c'est en bas de 10 cibles qui étaient des cibles militaires. Donc, vous comprenez que ce n'était pas vraiment une guerre humanitaire, c'était en fait une guerre criminelle. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a accusé le mauvais parti de terrorisme. Alors, on avait accusé le faux groupe. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que c'était le KLA qui était les vrais terroristes. Et on a finalement donné le pouvoir à ces gens-là, une organisation qui était reconnue comme étant terroriste. On a donné le pouvoir à un homme qui était même recherché par Interpol pour trafic de drogue et trafic d'armement, M. Taché. Alors, il pensait à ça 2 secondes, c'est incroyable. Alors, pourquoi qu'on a fait ça? On a détaché le Kosovo parce que le Kosovo est un corridor de transition de la drogue d'opium qui est grandie en Afghanistan, protégée par la CIA et les États-Unis, et qui transige vers l'Europe. Alors, c'est un corridor important qu'on doit contrôler. C'est comme ça que les choses se jouent, et puis c'est ça qui sont les motifs derrière tout ça, aussi bête que ça peut sonner. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Milosevic était en lieu de se faire traduire. En fait, ça faisait 4 ans que les tribunaux étaient en route. Je crois qu'il répondait à 66 chefs d'accusation de génocide et puis finalement d'évidence fabriquée. Et puis Milosevic était pour s'en sortir. Son procès allait très bien pour lui parce que Évidemment qu'il y avait des grosses questions à savoir si vraiment c'était lui le grand criminel là-dedans. Et alors qu'il était pour dépasser à la prochaine phase de montrer qui étaient les agresseurs là-dedans et montrer tous les crimes que les États-Unis puis l'OTAN ont perpétrés sur la Yougoslavie, eh bien, curieusement, Milosevic s'est fait donner des médicaments qui étaient mauvais pour lui parce qu'il avait une condition assez grave, une condition médicale. En fait, il y avait des problèmes cardiaques et puis il en est décédé. Et puis la semaine même, il y avait une autre personne, je crois que c'était son numéro 2, qui était censé le témoigner. Puis lui aussi, apparemment, ça serait suicidé dans sa cellule à La Haye. Alors, voyez, ça, c'est un peu comment que la loi internationale fonctionne. Même cas pour Saddam Hussein. Alors qu'il était pour révéler que c'est les États-Unis qui lui avaient fourni toutes les armes chimiques et les armes biologiques dont il s'est servi durant la guerre contre l'Iran, et avant qu'il témoigne de ces choses-là, qu'il témoigne qu'il a été mis au pouvoir avec l'aide de la CIA, que c'était quelqu'un qui était sur la liste de paye de la CIA, eh bien, on a fait ce qu'on appelle en anglais kangaroo court, alors une cour kangourou, ce qui veut dire pour brièvement là, une cour complètement organisée, une cour de bouffons, une cour finalement c'était un coup de théâtre, OK, et puis on a pendu Saddam Hussein très rapidement. Alors, c'est ça la loi internationale, la loi des vainqueurs. Prime sur la loi en réalité. Donc, on fait la loi, on écrit l'histoire en sa faveur. Et puis, c'est ce qui s'était passé durant les procès de Nuremberg aussi, où on a torturé la plupart des personnes qu'on a fait comparaître puis les faire avouer des choses. Alors, on a voulu démoniser les nazis, le régime de Hitler. Et ce qui arrive, c'est que finalement, on a juste jugé les choses qu'on a bien voulu juger, et puis les massacres totaux de la ville de Dresde, et puis les deux bombes atomiques qu'on a larguées sur le Japon, Hiroshima et Nagasaki, qui étaient des crimes incroyables contre l'humanité, des crimes de guerre atroces, où on a tué des civilisations je veux dire, le nombre de civils. On parle de chiffres de plusieurs centaines de milliers de personnes en Allemagne. Dans cette ville de Dresde, j'espère que je le prononce correctement, c'est Dresden en anglais, et les deux bombes atomiques qui étaient complètement inutiles, qu'on a larguées non pas sur des installations militaires, mais dans des villes, dans des populations civiles, et on a d'ailleurs choisi les deux villes les plus chrétiennes du Japon, alors il y a des explications derrière ça, on n'embarquera pas là-dedans, mais ça, ces choses-là n'ont jamais été jugées dans ces tribunaux-là. Alors, la référence que je faisais la semaine passée par rapport à ça, c'était pas d'instaurer d'autres faux procès comme Nuremberg ou la supposée Cour internationale de La Haye. C'est plutôt d'appliquer la loi internationale de façon uniforme à tout le monde. Okay? Donc, c'est mon but, puis c'est ça que je voulais passer comme message. C'est là où je voulais en venir. Et dans l'article de la semaine que vous pouvez trouver sur l'Essai du Québec, sans papier, puis les nouvelles internationales, eh bien, je parle de La La Land. La La Land, c'est un monde merveilleux et réel. C'est un monde dans lequel le monde est à l'envers, OK? Il n'y a plus rien qui fait du sens. C'est tout des deux poids, deux mesures. Et ce qui arrive, ben, c'est qu'on vit dans un monde qui a l'air de ça réellement, OK? Donc, on pourrait avoir des titres maintenant dans les journaux comme Israël se défend contre la flottille du terrorisme en route vers Gaza. On pourrait parler de massacre humanitaire et acte de paix en eau internationale. Vous voyez, tant qu'à parler orwellien, on peut y aller à fond et puis se laisser et je veux dire, pousser les choses au ridicule. Je veux dire, on vit dans un monde où toutes les choses sont à l'envers. OK? C'est pas plus compliqué. Je veux dire, le noir et le blanc, le haut et le bas, et puis ce qui est humanitaire est terroriste. Ce qui est terroriste devient humanitaire ou des actes de défense. Hein. Donc, dans ce monde merveilleux et irréel, un pays neutre comme le Canada, sous la gouverne de Stephen Harper, qui est le premier ministre ici, se métamorphose en pauvre caniche de l'État sioniste d'Israël et souligne la venue du premier ministre israélien en visite au Canada dans la foulée d'une autre tuerie d'Israël envers les militants d'une flottille de la liberté apportant de l'aide humanitaire à des citoyens emprisonnés dans un camp de concentration des temps modernes. La bande de Gaza. Parce que vous savez, juste au lendemain de ce massacre ici au Canada, on avait l'honneur d'accueillir Benjamin Netanyahou à bras ouverts. Okay? Donc, Stephen Harper, qui en notre nom, non merci, a souhaité la bienvenue à Benjamin Netanyahou ici au Canada. Et puis, c'est une honte totale. Vous avez fait un article excellent de Stéphane Gendron qui parle de tout ça d'une façon assez cinglante que je vous invite à lire. Et puis, écoutez, c'est pas compliqué, là. On a dit bienvenue au Canada. C'est en ces termes que Stephen Harper a signé la venue du premier ministre israélien. C'est dégueulasse, c'est répugnant, dit Stéphane Gendron. Il dit jamais eu honte à ce point d'être Canadien. Un gouvernement digne des plus grands criminels contre l'humanité. 19 personnes toutes justes exécutées. L'odeur du sang encore sur le bras d'Israël qui nous déverse depuis hier sa désinformation à travers les micros du monde entier. Nous avons dû agir envers ces terroristes infiltrés par l'Iran et le Hamas, mensonges et démagogies meurtrières, qui ont d'ailleurs été maintenant avoués par Israël même. Alors les supposés liens avec l'Al-Qaïda ont été finalement démenti puis admis par Israël. On a présenté des photos comme qui prouveraient que la flottille avait des armes, transportait des armes, et puis on a identifié maintenant que c'était des photos qui avaient été prises en 2006. Israël qui a dû les retirer maintenant. Vous voyez la quantité de mensonges qu'on déploie pour façonner la réalité, pour façonner votre perception de ce qui se passe dans le monde. On ne se gêne pas du tout pour fabriquer des fausses évidences. C'est incroyable. On a même un enregistrement d'un des bateaux de l'armée israélienne qui parle à la flottille et puis dire qu'ils n'ont pas, bon, qu'ils n'ont pas le droit de se déplacer vers la bande de Gaza à cause qu'il y a un blocus. Et puis vous entendez après ça que la flottille réplique en disant qu'il y a erreur, qu'on ne veut pas aller en eau israélienne, mais on se déplace vers Gaza. Et puis après ça, les Israéliens ont essayé de faire croire à la population du monde entier que c'est pas ce qui s'était passé. Alors on a changé la bande audio. Au lieu de voir les images qui bougent sur la vidéo, on a eu droit à des images qui étaient figées. Et après ça, on a entendu une fausse bande sonore qui a été refaite pour faire croire que la flottille aurait répliqué une affaire complètement incendiaire en disant quasiment d'aller se faire foutre. Et puis que le Hamas et puis le Hezbollah les attaquent, une affaire complètement débile, en tout cas, tout simplement pour démoniser la flottille. Et ça aussi, ça a été prouvé comme étant une fabrication totale. Israël a été obligé de se rétracter une fois de plus, perd la face. Et vous comprenez que c'est de quoi de très important à saisir, parce que là, vous voyez, tous les mensonges sont en train d'éclater à la face d'Israël. Israël qui utilise des mensonges éhontés pour se défendre devant un massacre incroyable. Et puis, ben, le Canada qui est devenu un pauvre caniche de l'État sioniste, effectivement, sous Harper, c'est incroyable comment le lobby israélien a complètement pris possession de Harper, de son gouvernement qui travaille avec eux. Donc, les gens de la droite religieuse pro-sioniste qui contrôlent le Canada de A à Z. On a même assumé les services d'ambassade, je crois, dans un pays de l'Afrique du Sud. Je crois que c'est en Israël, au Brésil, si je me rappelle bien, où le Brésil avait fermé l'ambassade israélienne pour condamner Israël. Et puis, c'est le Canada qui a décidé d'assurer les services de l'ambassade israélienne. Imaginez-vous donc, même durant l'attaque de Plomb-Durci en 2009, janvier 2009, on avait été le seul pays au monde à ne pas blâmer Israël, à ne pas les réprimander. Alors, c'est incroyable, c'est une honte totale, je veux dire, le Canada qui est en train de supporter tous ces actes illégaux, ces actes meurtriers, des actes de guerre, les violations de la loi internationale. Et puis là, le Canada, on dit, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, la vie est belle. Alors, Stephen Harper, au lieu de convoquer l'ambassadeur d'Israël à son bureau, lui demander des comptes, en rajoute en disant, et je cite, je suis désolé que cet événement porte ombrage à votre visite. Mais je suis ravi que nous ayons pu nous rencontrer dimanche soir et aujourd'hui. Nous avons eu des discussions importantes. Bienvenue au Canada encore une fois. Incroyable. C'est incroyable. C'est d'une honte totale. Et puis, je veux dire, c'est absolument révoltant. Les Canadiens devraient être absolument en train d'halluciner, de se péter la tête des murs et puis de sortir dans les rues pour réclamer que ce gouvernement tombe. Il a été prouvé, vous allez trouver différentes nouvelles à cet effet. Des avis légaux, okay, d'experts en loi internationale et aussi de l'ONU, aussi de l'expert en droit des droits humains de l'ONU qui ont déclaré que le blocus israélien contre la bande de Gaza viole la loi internationale. Alors, il n'y a aucune erreur là-dessus. Il n'y a aucune zone grise à ce propos. Israël a perpétré un acte illégal de guerre en attaquant la flottille d'aide humanitaire en eau internationale, peu importe qui a attaqué en premier, même si on sait maintenant avec les évidences vidéo que c'est les commandos israéliens qui ont commencé à agresser la flottille en premier. Donc, si l'état de siège médiéval est illégal, je dis médiéval, c'est pas juste mon choix de mots, c'est les mots même de l'ONU. Alors, chaque action qu'Israël entreprend pour faire respecter ce blocus est nécessairement un crime et illégal. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU affirme que le blocus israélien imposé à la bande de Gaza est illégal et doit être levé. La fonctionnaire des Nations Unies, Navy Pillay, a déclaré qu'il est interdit par le droit international humanitaire d'affamer des civils comme méthode de guerre et qu'il est également interdit d'imposer une punition collective contre des civils. Mais dans le La La Land, cela ne tient pas la route. La loi internationale n'est qu'une illusion, un mirage holographique. Une punition collective, un crime de guerre, pour qui? Alors, c'est ce que je vous invite à découvrir dans cet article-là. C'est incroyable. Vous allez trouver plusieurs liens qui montrent qu'Israël n'a nul besoin de se gêner, de fabriquer des faux renseignements. Des faux enregistrements de communications radio entre les commandos israéliens et puis le Mavi Marmara, de faire mal paraître les activistes humanitaires, de produire des fausses photos d'armes saisies avec des faux liens avec l'Al-Qaïda pour faussement incriminer sa victime et justifier son terrorisme alors que ces photos, comme je vous disais, et puis ces documents ont été trafiqués. Et vous voyez, ça a été même admis aussi par le Tzal. Alors, dans cette folle contrée, Israël peut posséder clandestinement des armes nucléaires depuis les années 60 et en faire la prolifération auprès de l'élite tyrannique qui imposait jadis l'apartheid à l'État d'Afrique du Sud. Et puis, vous allez trouver un paquet d'informations à cet effet-là. Alors, vous savez, on bannit tout ce qui rentre à Gaza. Alors, on laisse rentrer que quelques rares items. Et ce blocus est tellement ridicule, chers auditeurs. Je veux dire, vous avez une liste à trouver. Je vais vous en nommer une coupe ici. Vous savez, des choses qui sont susceptibles d'être utiles au terrorisme selon Israël, des choses qui sont jugées dangereuses. Alors, on interdit les articles suivants comme la sauge, la cardamome, le cumin, la coriandre, le gingembre, la confiture, le vinaigre, la muscade, le chocolat, les conserves de fruits, graines et noix, les biscuits, les bonbons, les biscuits, je dirais, les croustilles, du gaz pour les boissons gazeuses, des fruits secs, la viande fraîche, du plâtre, le goudron, du bois de construction, du ciment, fer, glucose. Hey, du glucose, c'est dangereux pour les terroristes. On fait des bombes avec du glucose, hein? Sel industriel, plastique, emballage en verre, métal, de la margarine industrielle, des bâches pour les huttes, tissus pour vêtements, canne à pêche, filets de pêche, des bouées. On a des couveuses, des pièces de rechange pour les couveuses, les laiteries pour les étables, les systèmes de tuyaux d'irrigation, les cordes pour attacher les serres, les planteurs pour les jeunes arbres, des appareils de chauffage pour élevage de poules, des instruments de musique, du papier de format A4, matériel pour écrire, carnets, journaux, jouets, rasoirs, machines à coudre, des pièces de rechange pour automobiles. Je veux dire, imaginez, ça c'est dangereux. Alors, on ne laisse pas rentrer ça. Israël dit, hey, vous n'avez pas le droit de briser le blocus, donc amenez vos affaires ici. Nous autres, on va les amener à Gaza. Et puis, même les Nations Unies ont accusé, ont établi très clairement qu'Israël ne laisse absolument rien rentrer ou très peu rentrer. Israël se défend en disant qu'il n'y a pas de famine dans la bande de Gaza, alors qu'on sait très bien par les chiffres, les statistiques officielles des organismes mondiaux comme Amnesty International et puis de l'ONU, que vous avez une personne sur 10 à Gaza qui souffre de malnutrition et vous avez, écoutez, un gros problème là, d'approvisionnement de nourriture, de biens médicaux, okay, de produits médicaux et même de gaz. Okay. On a même bombardé la station d'électricité puis on refuse les pièces de rechange pour que les gazouillis puissent la reconstruire. Alors, vous retrouvez avec plusieurs secteurs dans la bande de Gaza qui n'ont pas d'électricité entre 8 et 12 heures par jour. Okay? Donc, imaginez, c'est vraiment les définitions d'une punition collective. Heureusement, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le blocus est officiellement brisé. Okay? Officiellement brisé. C'est une nouvelle importante. Peut-être que vous n'entendrez pas ailleurs qu'ici sur l'autre monde. En tout cas, c'est ici que vous l'entendrez en premier. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'Égypte aussi, qui menait sa partie de blocus, qui était d'ailleurs très honteux aussi, a décidé, face à tout ça, de lever le blocus de façon indéfinie. Alors, on a ouvert les frontières. Vous avez au-dessus de 5 000 Palestiniens qui ont déjà traversé vers l'Égypte. Et puis, les biens de première nécessité ont commencé à transiger entre les deux pays. Alors, bravo pour l'Égypte qui carrément décidé de lever le blocus. Alors, il y a un trou dans ce blocus-là. Le blocus est officiellement détruit. Ce n'est qu'une question de temps. Israël va tout faire pour mener son bout, mais Israël a déjà perdu. Donc, vous voyez, c'est quand même assez spécial. Vous avez de quoi aussi qui est sorti, qui est assez, je dirais, qui est assez choquant. C'est de, on s'est rendu compte que plusieurs des personnes qui ont été tuées par Israël sur la flottille de la Liberté ont été carrément exécutées à bout portant, bien souvent avec une balle dans la tête. Ça, c'est très grave. Vous avez ce jeune Américain de 19 ans qui s'appelle Furkan Dogan qui a sommairement été exécuté par des commandos israéliens à bord de la flottille de la Liberté de 4 balles dans la tête et une dans le dos, à bout portant, selon les résultats des autopsies pratiquées sur les autres victimes turques. 5 d'entre eux ont été abattus à bout portant de projectiles dans la tête et les autres dans le dos. Imaginez-vous donc. Tout ce que les États-Unis ont trouvé à dire, c'est d'exhorter Israël à faire preuve de prudence et de retenue avec les bateaux d'aide en direction de Gaza, en disant que ces 6 de ces 9 passagers l'ont été par un seul commando israélien qui, lui, attend déjà une médaille d'honneur pour sa bravoure incontestée. Alors, dans La La Land, les commandos terroristes qui font des massacres reçoivent des médailles d'honneur. Les présidents qui avaient promis de terminer toutes les guerres qui étaient entreprises sous l'administration Bush continuent toutes ces guerres, leur donnent beaucoup plus d'ampleur et puis en part de nouvelles telles qu'au Yémen et puis au Pakistan. Okay? Donc, des guerres de basse intensité qui ne sont pas déclarées officiellement, mais qui sont bel et bien des guerres. Okay? Et on donne des prix Nobel à ces gens-là. Okay? Donc, dans La La Land, le monde à l'envers, le monde qui ne fait pas aucun sens, tout a cours. C'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est vraiment n'importe quoi. Netanyahou qui est sorti, on a une nouvelle ici dans un article du Washington Post, et puis on a une citation qui est assez révélatrice du premier ministre d'Israël sur la vision des choses pour ce qui est des relations étrangères et de la critique envers l'État hébreu. La citation de l'article va comme suit. Alors, le monsieur, finalement, dit que les mêmes pays qui nous critiquent aujourd'hui devraient savoir qu'ils seront les cibles de demain. Incroyable. Les pays qui critiquent Israël seront les prochaines cibles. Les prochaines cibles de qui? Alors, c'est vraiment n'importe quoi. Vous voyez ce qui se passe. Ces gens-là n'ont aucune honte. Israël a déclaré qu'ils ne s'excuseraient pas, qu'ils n'ont rien à regretter. On va même récompenser les commandos qui ont effectué ce massacre. On va leur donner des médailles d'honneur. Et puis, ça continue. Vous avez le coût des guerres colonialistes américaines en Irak et en Afghanistan qui viennent de passer le cap du trillion de dollars. Alors, on parle de 1 000 milliards de dollars que ça coûte. Et puis, ça, c'est juste à court terme. On ne parle pas des coûts à long terme. On parle de 3 à 5 000 milliards de dollars, alors de 3 à 5 trillions de dollars. Et le Canada se prépare à demeurer en Afghanistan, passer la date butoir de 2011, malgré la volonté de la majorité des Canadiens. Alors, le Canada, évidemment, on sait bien, va rester là. Les États-Unis ont entrepris de construire des nouvelles bases militaires qui vont coûter plusieurs millions de dollars. Alors, on investit et puis on va continuer d'investir beaucoup d'argent pour maintenir et construire de nouvelles bases militaires, des nouvelles ambassades dans ces pays-là. Alors, ne vous en faites pas avec ça, on est là pour rester longtemps. Une occupation militaire de longue durée, probablement s'étendant sur plusieurs décennies. Et le Canada participe à ça. Alors, oubliez ça, l'illusion du Canada. On disait que le Canada était un pays neutre, était un pays neutre, un pays pacifique. Alors, oubliez ça, chers auditeurs. L'image mondiale du Canada, c'est terminé comme pays neutre et pays pacifique. On est un pays guerrier, un pays qui fait amplement partie prenante de l'Empire anglo-saxon avec les États-Unis, la Grande-Bretagne. Et on participe à des occupations militaires, à des guerres illégales, des guerres d'agression et aussi à des renversements de gouvernements démocratiquement élus comme on a fait en Haïti. Okay? Alors, c'est ça qu'on fait ici au Canada. Ça devient notre marque de commerce. Et puis après ça, on accueille des criminels de guerre comme Bush, Netanyahou qui s'en vient ici en visite. Alors, c'est ça le Canada. Okay? Il y a aussi la crise financière mondiale avec les dépenses mondiales ou presque qui ont doublé. Les dépenses militaires mondiales, dis-je, qui ont doublé au cours des 10 dernières années pour atteindre 1,53 trillion de dollars en 2009, selon un think tank suédois, qui, dans son édition de 2010, qui s'appelle annuaire, le Stockholm International Peace Research Institute, a déclaré que les dépenses entre 2008 et 2009 ont augmenté de 5,9%. Les États-Unis demeurent les plus grands dépensiers, eux qui représentent environ 54% de l'augmentation, selon le rapport. Les données montrent également que l'Asie et l'Océanie sont en rapide augmentation dans leurs dépenses militaires. Les turbulences financières mondiales ont peu d'effet sur les gouvernements qui continuent de vouloir moderniser leurs forces armées, même dans les pays dont les économies ont été les plus durement touchées, selon un porte-parole du CIPRI, Sam Perlow-Freeman. Il poursuit en expliquant que pour les grandes et moyennes puissances comme les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et le Brésil, les dépenses militaires représentent un choix stratégique à long terme qu'ils sont prêts à faire même dans une conjoncture économique difficile. Peut-être est-ce plus facile d'oublier le passé lorsque la moitié, hein? Là, écoutez, je saute du coq à l'âne, là, mais écoutez, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que finalement, toutes ces choses-là sont interconnectées. Des gros massacres se passent. Pendant ce temps-là, on déploie des forces militaires. Vous allez voir ici, là, dans l'article un peu plus loin, parmi les articles que vous allez trouver cette semaine et que je vais continuer à discuter le long de l'émission, c'est qu'on est en train de, finalement, on est en train de semer le chaos à la grandeur de la planète. On est en train de vous faire halluciner avec ça. Pourquoi? Ben, écoutez, il y a peut-être certaines théories qui diraient qu'on va essayer de faire paniquer, puis après ça arriver avec des solutions déjà toutes préfabriquées. C'est le fameux principe de problème, réaction, solution. Alors, on utilise ça à fond. Donc, on est en train de créer un état de chaos total. Pourquoi? Parce que les gens commencent à se réveiller. Écoutez, vous avez des gens comme Brzezinski. Et puis, dans les derniers meetings de Bilderberg, où on a entendu dire, où il a transpiré que l'élite mondiale, l'élite financière, l'élite bancaire et l'élite industrielle, l'élite des secteurs et des médias et puis militaro-industriels qui se rencontrent ensemble pour essayer de pousser leur agenda et puis leurs intérêts personnels sont en retard sur leur agenda, okay, qui... on dira certains de créer une gouvernance globale, une gouvernance mondiale. Alors, ça, c'est une réalité, mais c'est aussi pour finalement créer, si vous voulez, un genre de nexus, un noyau de collusion entre les principales puissances mondiales pour tout le temps faire pousser les choses dans la direction qui les favorise. C'est pas mal ça. Ces gens-là se rencontrent. C'est un peu comme si vous voulez, des meetings de la mafia. C'est un peu comme une grosse mafia mondiale qui se rencontre. Et puis, dans les sommets des Bilderberg, on discute de ça. Et puis, Brzezinski avait déclaré lors d'un meeting du Council on Foreign Relations que la population se réveillait, était mieux informée que jamais auparavant dans l'histoire. Alors, ça, c'est toute une indication qui est très positive, disons-le. L'élite commence à se rendre compte, l'establishment commence à se rendre compte qu'ils ont bien de la misère à nous mentir et à nous passer des savons parce que vous avez des millions de personnes qui sont super bien informées, dont vous, chers auditeurs. Et au sommet de Bilderberg, on s'est plaint de la même chose. Okay? On s'est plaint que leur agenda est en retard, que la population commence à trop les connaître, à trop savoir qui sont ces gens-là. Il y a trop de publicité sur les Bilderberg. Vous avez plusieurs personnes qui normalement participent à ces meetings qui ne sont pas allées parce que quand elles retournent à la maison, elles sont sous la pression et puis les questions à savoir qu'est-ce qu'ils faisaient au sommet des Bilderberg. Alors qu'il y a 10 ans, on riait des gens, on les accusait de théoriciens de conspiration fou dans la tête quand on parlait des Bilderberg, alors que maintenant les médias ont été forcés, les médias traditionnels ont été forcés d'en parler tellement que ça a été documenté et parlé. Alors ça, c'est grâce justement au mouvement sur la vérité, grâce à Internet, OK? Alors ça, c'est très, très positif. Et puis, après ça, vous avez un paquet de scandales comme le H1N1 qui éclate, les gens apprennent la vérité. 7% des Français qui sont allés se faire vacciner, ça veut dire 93% des gens qui ne sont pas allés, qui ont compris que c'était une magouille totale. D'ailleurs, parlant du H1N1, vous allez trouver des articles très importants cette semaine où on a différents rapports d'enquêtes qui sortent de différents organismes très importants Je vais essayer d'en parler au courant de l'émission. Si je n'ai pas le temps, allez de grâce, allez suivre ça. Vous avez différents articles, même de Protégez-vous ici, qui est un magazine qui publie des dossiers pour protéger les consommateurs, où on apprend qu'il y a bel et bien eu collusion, corruption, il y a eu conflit d'intérêts grave entre des gens qui ont conseiller l'OMS et l'OMS elle-même pour pousser des systèmes d'alerte, alerter la population pour rien sur une fausse pandémie, des gens qui étaient censés être des experts indépendants qui finalement avaient des liens graves, des conflits d'intérêts avec Big Pharma, avec les compagnies pharmaceutiques. Alors, on a terrorisé la population pour stimuler les ventes, faire de l'argent sur le dos des gens en leur injectant des produits qui étaient non testés pour lesquels les compagnies pharmaceutiques avaient reçu une immunité juridique et qui contenait des ingrédients toxiques comme le scalène et puis du mercure et d'autres ingrédients toxiques comme des métaux lourds et ainsi de suite. Alors, on a voulu injecter les gens, on les a terrorisés, on a dépensé notre argent, dépensé des centaines de millions de dollars pour rien en pleine crise économique. Alors, vous avez maintenant des enquêtes officielles qui sont sorties, qui maintenant mettent à jour tous ces scandales-là. Alors, imaginez, alors qu'à l'automne passé, on vous accusait de conspirationniste, de complètement déraillé. On vous accusait de tous les noms, c'est incroyable. On riait d'Internet et de tout ça, et puis c'est finalement qu'est-ce qui arrive quelques mois plus tard? Eh bien, il s'avère qu'on avait raison. Il s'avère que ces liens-là existaient, ces liens de corruption, ces liens de conflit d'intérêts graves. On a joué, on a modifié l'échelle pour déclarer une pandémie niveau 6 en changeant la définition des pandémies. Et c'est un scandale total, OK? Donc, ça a éclaté. Après ça, vous avez eu le sommet de Copenhague, où c'est qu'on a eu le Climate Gate qui a éclaté, où on a eu les données de East Anglia, l'université de East Anglia, qui fournit la majorité des données qui justifient le GIEC de crier, de sonner l'alarme, de blâmer l'humanité, de causer le réchauffement climatique à cause du CO2. On s'est rendu compte que ces gens-là ont trafiqué les données. On a même carrément corrompu le système de revision par les pairs. Okay? Je veux dire, on est allé vraiment loin. On a passé les données à travers des filtres pour les faire dire à ces chiffres n'importe quoi. Vous avez Phil Jones, qui était directeur de cette branche de East Anglia, l'université de East Anglia, qui a avoué par après, qui a avoué, OK, que finalement, on a eu un refroidissement global depuis les 10 dernières années. Il n'y a même pas eu de réchauffement climatique. Je vais vous coller des liens où c'est qu'on a des augmentations de l'épaisseur des glaces, de la quantité des glaces et de la couverture de neige qu'on a eu l'hiver dernier et dans l'Arctique, OK, donc des augmentations de glace considérables qu'on n'a pas vues depuis 20-30 ans. Donc, arrêtez de vous en faire avec ça. C'est un autre scandale qui est en train d'éclater. Puis là, suite à ça, on a eu bien de la misère à essayer de ratifier des accords mondiaux qui auraient fait en sorte qu'on vous aurait taxé au niveau mondial, instauré des taxes qui auraient été collectées par, encore là, des gens qui ont des conflits d'intérêts graves comme Al Gore, comme Maurice Strong, la maison Rothschild, qui sont les compagnies pétrolières qui sont derrière ça. Oui, les compagnies pétrolières qui ont aussi été derrière le push pour imposer des cap and trade, des taxes sur le CO2, instaurer des nouveaux systèmes de produits dérivés qui ont causé la crise économique qu'on connaît actuellement. Alors, tous les mêmes acteurs criminels corrompus qui ont causé la crise économique, qui voulaient créer une nouvelle bulle. Et ça a été exposé. Et puis là, vous avez dans l'opinion publique une baisse drastique du support pour toute cette histoire du réchauffement climatique causé par le CO2 qui n'a rien à voir, le CO2 qui augmente après un réchauffement climatique et non avant, maintenant documenté, prouvé par les carottes glaciaires. Donc ça l'a sauté au visage des gens. Le 9-1 qui est en train d'éclater, je veux dire, les gens se rendent compte de quelle fraude c'est aussi. Qu'est-ce qui est arrivé aussi? Vous avez les fameuses guerres en Iran, c'est-à-dire en Afghanistan puis en Irak, où on sait maintenant que ça a été parti avec des mensonges. Alors, voyez tous ces gros schèmes pour épeurer la population qui sont tout en train d'éclater, les grosses fraudes incroyables. Les gens sont en train de se rendre compte au niveau de la crise économique qui sont les vrais artisans, les vrais fabricants et profiteurs en même temps de cette crise. Alors, on a fait s'effondrer ce système-là. Et puis, vous avez des gens comme Goldman Sachs et puis même des congressistes américains qui, alors que le pays est en train de s'effondrer, est en train de ruiner et puis de faire perdre le travail à des millions d'Américains qui ont perdu leur maison, perdu leur économie. Pendant ce temps-là, vous aviez des politiciens qui misaient sur les marchés boursiers contre l'économie américaine. Complètement hallucinant. Les Grecs et puis plusieurs pays de l'Europe qui se rendent compte que les vrais responsables de la crise économique sont les grands banquiers, les banques privées, le système financier qui fonctionne avec le système fractionnaire bancaire, un système financier qui travaille en système de pyramide, en système de Ponzi, qui est basé sur la dette, qui, dès qu'il rentre en fonction, fait en sorte qu'il y a plus de dettes qui est due, qui n'existe d'argent, de monnaie, de masse monétaire en circulation. Alors, un système qui est voué à l'échec, qui est fait en sorte, qui est fait sur mesure pour ruiner les gens. Okay? Alors, vous avez des banquiers privés qui créent l'argent de nulle part, qui vous la passent comme dette, et vous, il faut que vous remboursiez la dette plus les intérêts. Alors, c'est fait en sorte qu'on ruine les gens, puis ces banquiers, après ça, ces banquiers privés internationaux, récoltent après ça des biens qui existent, des biens physiques réels, et puis des économies au complet, des pays en entier. Alors, ça aussi, c'est en train d'éclater. Alors, pour faire en sorte que les gens oublient qui sont les vrais responsables du chaos dans le monde, les vrais responsables des plus grands scandales, comme même aussi la crise environnementale de BP créée par le cartel pétrolier dont on n'a même pas besoin depuis une centaine d'années, mais qui nous tient encore dans sa grippe pour rien, alors qu'on peut avoir des énergies propres et gratuites et infinies à l'heure actuelle. Alors, tout ça est en train d'éclater. Les gens sont en train d'en prendre conscience, comme Brzezinski, puis les Bilderberg, s'en rendent compte et puis l'ont déclaré. Et ce qui arrive, c'est qu'on a besoin de détourner votre attention, de vous plonger dans un état de chaos où vous n'ayez même plus le temps de penser à ça, pour que vous soyez plongé dans un état de survivance. Et qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, historiquement, à maintes reprises, c'est en fait une constante historique, pour faire en sorte que la colère des peuples du monde entier se tourne vers les gouvernements, les institutions financières, les vrais responsables de toutes les crises qu'on vit actuellement, qui sont complètement inutiles, créées de toutes pièces, pour profiter à le 0,0001% de la hyperclasse dirigeante de ce monde. Ben on va créer des guerres, on va créer des conflits armés. Et puis, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et vous allez trouver dans les nouvelles de cette semaine une multitude de liens très importants, documentés même par les médias de masse, qu'on déploie des troupes partout dans le monde. On est en train de déployer des sous-marins israéliens nucléaires le long de la côte iranienne. On est en train de déployer des troupes américaines partout dans l'océan Indien, autour de la Chine et de la Russie. On va construire des nouvelles bases militaires dans un paquet de pays. On investit de l'argent. Il y a plus d'argent qui est dépensé dans les dépenses militaires en ce moment que jamais auparavant. 1,53 trillions de dollars en 2009. Débile. Pour changer, si vous voulez, ce que les gens sont en train de penser pour les faire dévier, pour les occuper à de quoi d'autre, pour les faire oublier qui sont les vrais responsables, qui sont les vrais criminels de ce monde. C'est pas mal ça qui est en train de se passer. Bonne nouvelle, je veux dire, pourquoi bonne nouvelle? Bonne nouvelle, des nouvelles sanctions ont été votées même par la Russie et la Chine contre l'Iran. Surprenant. Étant donné que la Russie puis la Chine avaient tout le temps refusé de voter pour des nouvelles sanctions, alors que s'est-il passé? Selon Michael Rivero, d'où je prends plusieurs de mes nouvelles, de What Really Happened, c'est sa théorie, je la trouve bien bonne, je vous laisse réfléchir à ça, c'est que la Chine et puis la Russie sont en train de jouer aux échecs. On est en train de jouer aux échecs avec les néoconservateurs anglo-saxons au pouvoir, je veux dire, vous comprenez le genre de faction là, qui est en train de vouloir. On parle d'Israël aussi là-dedans, sioniste, là, OK, de vouloir créer une guerre contre l'Iran en les accusant faussement de développer des armes nucléaires. Et puis, si ces sanctions n'avaient pas passé, je crois pas mal, moi aussi, comme Michael Rivero et puis plusieurs analystes géostratégiques, qu'une guerre aurait été déclenchée très prochainement contre l'Iran. Le fait d'avoir voté pour des sanctions qui sont à toute fin pratique inutiles, qui punissent même plus les industriels américains, par exemple, va faire en sorte que maintenant, face à la communauté internationale, les États-Unis et Israël vont être obligés de donner du temps à l'Iran pour voir s'ils vont se plier à ces nouvelles sanctions. Et puis, ça va leur donner plusieurs mois, ce qui va les mener plus loin que les élections de mi-temps, de mi-terme, si vous voulez, les midterm elections aux États-Unis qui vont se passer au mois de novembre prochain. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas pu partir cette guerre-là avant au moins au mois de novembre prochain, ce qui est la bonne nouvelle en réalité, qu'on ne partira pas une guerre, en tout cas à moins qu'on fabrique encore une fausse attaque terroriste et puis qu'ils vont être blâmés sur le dos de l'Iran. Mais sinon, ça devrait être un pas qui devrait favoriser la Russie et la Chine qui ont aucune raison de voter, puis surtout de voir une guerre se déployer contre l'Iran parce qu'eux, ils ont plusieurs investissements en Iran et aussi pour la communauté internationale parce qu'on ne veut pas une troisième guerre mondiale, c'est évident. Même la Chine et la Russie ont émis des rapports, j'en parlais dans les émissions précédentes, selon lesquels ils déclareraient une attaque contre l'Iran de la part des États-Unis ou d'Israël comme étant une guerre contre eux, contre la Chine et la Russie, et que cela signifierait le départ de la troisième guerre mondiale. Okay? La Corée du Sud a référé aussi au Conseil de sécurité de l'ONU, aussi le dossier de l'attaque contre la corvette sud-coréenne, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire que on ne va pas finalement attaquer ou faire quoi que ce soit ou faire aucun move militaire contre la Corée du Nord en ce moment. La Corée du Sud qui a fait ce move-là un peu silencieusement, en sachant très bien que la Chine va mettre son doigt de veto si on était pour voter contre pour des sanctions ou ben non pour une attaque militaire ou quoi que ce soit. J'en ai parlé aussi la semaine passée dans l'émission en vous disant qu'il est peu probable, en tout cas selon ce qu'on a, que ce soit la Corée du Nord qui a perpétré cet acte. Alors, on vient aussi peut-être d'éviter un potentiel conflit, encore là inutile, bien que les États-Unis ont décidé de mener des exercices militaires, de nouveaux exercices militaires avec la Corée du Sud dans les jours à venir. Si je ne m'abuse, d'aller trouver des nouvelles là-dessus pour confirmer tout ça. Donc, vous voyez, on se prépare quand même à des conflits, on se prépare à déployer tous ces trucs-là. C'est assez spécial. Comme je vous dis, tout ce qui ressort de tout ça est quand même positif, comme je vous dis, d'une certaine façon, parce que vous voyez la conscience de la communauté internationale qui s'éveille à ce qui se passe, mais en même temps, plus l'élite internationale va être mise dans un coin, plus elle risque de réagir comme une désespérée et puis de faire des conneries. Alors, il faut être bien prudent avec ce qui va se passer. Donc, allez voir ça. Je vais terminer avec le dernier petit paragraphe ici. Je vous disais que les scientifiques qui ont rédigé les directives essentielles de l'Organisation mondiale de la santé pour conseiller les gouvernements à stocker des médicaments en prévoyance d'une pandémie de grippe avaient dans le passé été payés par des compagnies pharmaceutiques qui allaient profiter de façon très lucrative de l'hystérie, selon un rapport publié un peu plus tôt cette semaine. Une enquête menée par le British Medical Journal et le Bureau du journalisme d'enquête montre que les recommandations de l'OMS publiées en 2004 ont été rédigées par trois scientifiques qui avaient déjà eu un paiement pour d'autres travaux de Roche qui fabriquent le Tamiflu et GlaxoSmithKline, fabricant de Relenza. Vous avez un autre dossier, comme je vous disais, à lire dans la revue Protégez-vous de mai 2010. Un dossier québécois sur la collusion entre l'industrie pharmaceutique et le monde médical, sur les études bidons réalisées par des équipes de scientifiques financées par des compagnies elles-mêmes, rédigées par des écrivains fantômes et cautionnées par des éminents scientifiques qui n'ont jamais participé aux études. OK? Coïncidence troublante, 95 des 170 experts qui ont participé à l'édition la plus récente du DSM, le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie. La cible de psychiatrie en Amérique du Nord et en Europe entretenait des liens financiers avec l'industrie. Il n'est donc pas étonnant, relève-t-il, on décrit dans cet article de Protégez-vous, que certains nouveaux médicaments, notamment pour traiter l'hypertension et la schizophrénie, s'avèrent en fin de compte cliniquement moins efficaces que leurs prédécesseurs, bien qu'ils soient vendus jusqu'à 10 fois plus cher. Au total, les pharma investissent plus de 60 000 $ dans chacun des quelques 700 000 médecins États-Unis au pays. Ce montant serait de l'ordre de 20 000 $. Cela va du financement commercial des universités aux essais cliniques biaisés, des pseudo-publications scientifiques à l'abaissement régulier des seuils de facteurs de risque pour certaines maladies, de l'éducation continue des médecins aux visites incessantes de représentants pharmaceutiques qui nous apportent des échantillons gratuits. Sans oublier le financement des congrès, les repas payés à l'hôpital ou au cabinet, les réunions commanditées et les soupers conférences dans les différents restaurants. Même le médecin le plus compétent n'est plus en mesure d'obtenir des informations neutres et objectives lui permettant de prescrire les produits les plus efficaces pour ses patients, selon Marc-André Gagnon de l'Université de McGill. Alors, on finit donc par se retrouver avec une littérature biaisée, dit-il. Plusieurs études indiquent que les essais financés par l'industrie sont de 3 à 5 fois plus susceptibles de fournir des résultats favorables que ceux qui ont été réalisés par des fonds indépendants. Voyez ça. Les abus sont si fréquents, dit-il, que la plupart des grandes pharma doivent régulièrement répondre d'accusations de pratiques commerciales frauduleuses. En 2004, par exemple, Pfizer a accepté de payer 450 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites engagées à son encontre aux États-Unis. De 2004 à 2009, Pfizer, Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb et 4 autres compagnies ont ainsi déboursé plus de 7 milliards en amendes et pénalités de toutes sortes. Les pharma débordent d'imagination. L'an dernier, à l'occasion d'un procès en Australie, on a découvert pour que faire pousser les ventes de son très controversé anti-inflammatoire Vioxx, Merck avait créé un faux journal médical publié sur le label d'Elsevier, un éditeur scientifique réputé. Bienvenue à La La Land, le monde du n'importe quoi, comme que je vous disais. Alors, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve après la pause pour la suite des nouvelles. François Marginal au micro. La chose la plus précieuse qu'Israël est en train de perdre, chers auditeurs, c'est l'image, la perception d'être la victime. Il devient de plus en plus apparent pour tous qu'en fait, Israël est l'agresseur. Cet agresseur est loin d'être une victime en danger, puisqu'il est maintenant parfaitement clair qu'Israël possède un arsenal nucléaire tel que documenté dans l'article dont je vous parlais aussi sur les nouvelles internationales. depuis au moins 1962, un état nucléaire très avancé qui se retrouve autour du quatrième rang mondial et que cet agresseur ne peut survivre si la paix règne. Il dépend de l'état de guerre et d'instabilité. Dès que la paix viendra et que l'illusion d'un ennemi commun externe s'éteindra, Israël réalisera que sa plus grande menace est elle-même. Et elle s'effondrera par implosion. Ses bases sont fausses et basées sur des mythes et illusions. Israël demande qu'on reconnaisse son existence comme État, mais cet État est le seul au monde à refuser de se reconnaître des frontières fixes. Okay? Comment voulez-vous reconnaître de quoi qui n'est pas défini, qui n'a pas de frontières fixes, hein? Des frontières qui sont changeantes, qui s'agrandissent constamment depuis sa création? Alors, ça, c'est un problème que je voulais soulever. Je veux dire, écoutez, regardez la carte, là, et puis on les dessine où, les frontières? Google a dû même refuser à Israël de changer des noms de villes palestiniennes qu'elle avait colonisées, annexées, puis effacées et reconstruites de nouveau, et qu'elle voulait ensuite rebaptiser. Un effacement total et complet, même de la mémoire des cartes. Alors, je pose la question, on fait quoi avec ça? Vous avez plusieurs articles à aller lire sur la flottille, et puis ça va compléter ce dossier-là. Vous avez énormément d'informations à aller voir. Écoutez, il y en a 81 pages, là, juste de titres d'informations. C'est très important à aller voir sur le blocus qui a été levé, le blocus qui est maintenant détruit avec l'Égypte qui a levé sa part, Israël qui lève son nez, refuse d'avoir des enquêtes internationales, veut mener les enquêtes. Les États-Unis vont vouloir les laisser mener leur propre enquête. Alors imaginez, vous avez un meurtrier, puis après ça, vous lui donnez le droit de s'enquêter lui-même, incroyable. Vous avez Israël qui a menacé la Turquie et puis Poutine de ne pas accompagner les bateaux d'aide humanitaire avec des bateaux de protection parce que là, Israël verrait ça comme un crime de guerre. Alors, voyons, on est en train de faire encore là de l'inversion, de transformer l'agresseur en victime et la victime en agresseur. Israël, qui a tellement du front en plus, comme je vous dis, a exécuté un citoyen américain de 4 balles dans la tête puis une dans le dos. Et se retourne de bord et cette semaine demande plus d'aide militaire aux États-Unis. Incroyable. Alors, écoutez, désolé, on vient de tuer, d'utiliser pas mal de nos balles que vous nous aviez données pour tuer un de vos citoyens américains. Pouvez-vous nous redonner plus de munitions, s'il vous plaît? Capoté ben raide. On est en train de rire du monde, je veux dire, quand on publie des nouvelles comme ça. C'est hallucinant. C'est à se demander aussi si Israël, maintenant que les sanctions ont été passées contre l'Iran, ne va pas essayer de partir la guerre pareil, peut-être en commençant un conflit contre peut-être la Syrie ou le Hezbollah, qui risquerait d'attirer l'Iran en conflit aussi, parce que, vous savez, l'Iran a des contrats, si vous voulez, des alliances avec la Syrie puis le Liban. Au cas où l'un d'eux serait attaqué, ben l'Iran viendrait probablement à la défense d'un de ces pays-là. Donc, on est en train aussi de préparer ça. Vous avez, je crois, c'est le Congrès américain qui a voté pour aussi commencer à se tourner vers la Syrie et puis à préparer des exercices, okay, se préparer pour un conflit éventuel contre la Syrie. Alors, vous voyez, vraiment, on cherche le trouble. Okay? Alors, si on rouvre pas le front directement contre l'Iran, on risque d'y aller de façon détournée en attaquant un des alliés de l'Iran ou en provoquant, en faisant de quoi de tellement horrible, de tellement honteux que l'Iran n'aurait quasiment pas le choix de venir à l'aide à ces pays tels que la Syrie et puis le Liban. Donc, ça, c'est des nouvelles à aller voir. Vous avez plusieurs articles qui documentent, avec même les autopsies qui ont été rendues publiques, que plusieurs des personnes qui ont été tuées à bord de la flottille de la Liberté ont été exécutées à bout portant de balles dans la tête. Très important. Erdogan, le premier ministre de la Turquie, a décidé maintenant avec Vladimir Poutine que le gaz naturel va être coupé, ne se rendra pas à Israël, mais encore là, ça ne devrait pas trop affecter Israël puisque le gouvernement américain garantit l'apport de pétrole et de gaz en cas de manque. Okay? Alors imaginez si vous avez un manque de pétrole à Israël. Le gouvernement américain a une genre d'entente secrète pour fournir ce pétrole-là à Israël, même au détriment des Américains. Alors, ça, c'est des choses que peu de personnes savent, mais qui sont bel et bien réelles. Alors, comme ça, là, allez voir ça, là, on parle de toutes sortes d'affaires là-dedans. Vous avez ici la nouvelle comme quoi qu'Israël ne va jamais s'excuser pour ce qu'ils ont fait. On va même décorer les gens qui ont fait ce massacre. Donc, on va continuer le blocus selon eux. Et puis, là, allez voir ça. Là, je veux dire, il y en a beaucoup, beaucoup. J'aurais pas le temps de tout couvrir ça. C'est à vous, allez voir ça. Nouvelle assez spéciale ici. On apprend que vous avez Israël qui finance et entraîne des militants au Kurdistan, dans le nord de l'Irak, qui, eux, font des attaques occasionnelles sur la Turquie. Et très curieusement, alors que vous aviez la flottille de la liberté qui était pour se faire attaquer en eau internationale par Israël, le PKK, qui est le Kurdistan Workers Party, qui est financé puis entraîné par Israël, a mené une attaque sur une base turque, okay, sur des installations navales turques, exactement en même temps que la flottille de la liberté se faisait attaquer en eau internationale. On voit que ça a été synchronisé ensemble, probablement pour empêcher la Turquie d'intervenir alors que ses citoyens sont en train de se faire tuer en eau internationale. Assez spécial. Alors, allez voir ça. Tous les articles aussi qui documentent le fait des photos qui ont été trafiquées. Vous avez 17 nations ici qui ont demandé des explications aux ambassadeurs israéliens. Vous avez différents pays qui ont rappelé leur ambassadeur d'Israël. Alors, vous voyez que c'est en train de se développer en une crise assez incroyable. Alors, comme je vous dis et répète, je veux dire, il y a énormément d'articles à aller voir. Vous avez apparemment 17 passagers de la flottille qui ne sont pas encore retrouvés, qui n'ont pas encore été trouvés. Et puis, on apprend dans différents articles que certaines personnes qui auraient été blessées ou abattues auraient été jetées par-dessus bord par le commando israélien. Alors, peut-être que vous avez des corps qui se trouveraient dans l'océan, dans la Méditerranée en ce moment. Très, très spécial. Allez voir ça. Vous avez plusieurs articles aussi qui parlent de ça. Assez incroyable, je dis, ce qui s'est passé là. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup d'informations. Je vais m'arrêter là. Je veux dire, il y en a trop à couvrir. Et puis, j'ai d'autres trucs là ici. Il y aurait dernière petite chose, c'est qu'apparemment que les États-Unis savaient déjà en avance qu'Israël était pour intervenir et puis faire ce qu'Israël a fait. Alors, si en plus les États-Unis savaient d'avance ce qu'Israël était pour faire en eau internationale et qu'ils ont laissé faire Israël et puis exécuter un citoyen américain de 4 balles dans la tête, je vais vous dire, c'est assez spécial ce qui se passe aux États-Unis. Vous pouvez voir le contrôle incroyable, même qu'Obama a été pris, ça a été documenté, même rapporté par les médias, qu'Obama, suite au massacre, a sauté sur le téléphone et puis a parlé, demandé à Israël ce que les États-Unis pouvaient faire pour les aider, pour passer au travers de cette crise-là. Vous voyez, la seule chose que les États-Unis ont demandé à Israël, c'est d'exercer de la restreinte, de se restreindre et puis d'être prudent avec ce qu'ils font avec les bateaux qui amènent de l'aide humanitaire. Bravo, bravo. Alors, voyez le Canada et les États-Unis qui sont sous le contrôle le sioniste, le lobby israélien. Donc, allez voir ça, des articles qui expliquent que la flottille et puis le blocus sont des choses internationales, bannies par la loi internationale, et puis c'est des crimes, il n'y a rien à faire de ça, il n'y a aucun débat qui peut aller plus loin que ça. Je veux dire, toutes les actions qu'Israël entreprend pour faire respecter ce blocus qui est illégal sont criminelles aussi. Vous avez General Motors qui rappelle 1,5 million de taux parce qu'on a des problèmes potentiels de feu qui pourraient se déclarer dans le système. Alors, on va se demander si vous allez assister à une démonisation, une campagne de salissage comme Toyota a été victime. Alors, vous allez voir sûrement un double traitement complètement hypocrite de cette situation-là. Google qui, selon un nouveau projet de loi en Angleterre qui était rapporté par le Daily Mail, fera en sorte que Google, toutes les recherches Google que les gens font, seraient enregistrées et sauvegardées pendant 2 ans. Alors, on veut instaurer un autre système de surveillance et d'invasion de la vie privée. Alors, Google, ouais, incroyable. Avec ça, c'est les ministres aussi de l'Union européenne qui poussent ça, là. Donc, vous voyez, les gouvernements, c'est tellement bon, les gouvernements. On parle à chaque semaine de ce qui se passe au Japon avec la fameuse base militaire qui fait vraiment pas l'affaire des gens qui habitent à Okinawa, mais qui a été maintenue malgré la volonté des gens et aussi des promesses qui avaient été faites par le gouvernement qui a été élu. Alors, la coalition s'est brisée. Je vous informais de ça la semaine passée. Et tout de suite après, dans les jours qui ont suivi, ben, le premier ministre japonais, Yuko Hatoyama, a annoncé sa démission. Alors, son gouvernement s'est effondré suite à ça. Alors, vous voyez que le peuple a réellement un pouvoir et puis on peut faire réellement respecter ce qu'on veut. C'est le peuple qui possède le pouvoir. C'est juste que vous avez oublié. Le peuple a oublié. Vous avez plusieurs articles sur les Bilderberg. Alors, les Bilderberg qui seraient sur le point d'éprouver une attaque sur l'Iran, ça a été rapporté par des insiders qui ne se sont pas trompés jusqu'à date depuis toutes les années. Alors, vous pouvez croire ça, c'est pas des histoires de conspirationnistes, c'est vraiment ce qui transpire de ces rencontres-là. Alors, les Bilderberg qui ne sont pas tous d'accord pour une attaque contre l'Iran, mais qui sont en majorité sur le point de donner le feu vert. On a aussi des choses qui transpirent comme quoi que les Bilderberg voient le peuple qui, je dirais, la classe moyenne, finalement, comme une menace à leur agenda. Alors, ça aussi, c'est d'une certaine manière assez positif de voir que ces gens-là commencent à avoir de plus en plus peur du peuple et puis de la classe moyenne. Les gens sont trop fortunés, sont indépendants, peuvent devenir critiques, indépendants de la pensée, n'embarquent plus dans leur affaire, comme je vous en début en début d'émission. Et leur agenda, c'est de baisser les niveaux de vie, les niveaux de la qualité de vie, et puis carrément de détruire la classe moyenne. Alors, ça, c'est vraiment leur intention. C'est ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre carrément là, en ce moment avec cette crise économique. Alors, on est en train de ruiner les gens. Et dernière affaire, on est en train aussi de parler de désarmer les Américains. Alors, les Bilderberg voudraient les Américains désarmés et dépendants de leur gouvernement, évidemment. Le même gouvernement qui a détruit l'économie avec ses petits copains de Wall Street, qui ont ignoré les mesures de sécurité pour les ponts qui s'écroulent, les mines qui s'effondrent, les puits pétroliers qui commencent à fuir, qui ont menti aux gens à partir des guerres, qui ont tourné les yeux lorsque les Américains ont attaqué lorsque les Israéliens ont attaqué les Américains en eau internationale. Vous voyez, ce genre de gouvernement. Alors, gouvernement aux États-Unis, on peut bien parler de gouvernement si vous voulez, mais je veux dire, ça ne représente plus du tout le peuple. C'est carrément une clique qui n'a plus rien à voir avec les démocraties ou quoi que ce soit. Les Bilderberg, qui pourraient dire, sont une compagnie mondiale limitée. Alors, je disais, un syndicat, si vous voulez, c'est un groupe mafieux de pouvoir financier qui se rencontre et peut essayer de faire pousser les choses dans la direction, mais ça va pas si bien pour leur agenda, ça c'est une chose qui est certaine. Vous avez une liste ici à trouver de ceux qui étaient présents lors de ce meeting qui s'est déroulé entre le 3 et le 6 juin dernier à l'hôtel Dolce Stigis à Barcelone en Espagne. Vous avez ici un article qui parle de Adam Rothschild qui a nommé le premier ministre du Canada un esclave. Alors, vous voyez, c'est spécial. Vous avez cette personne, Rothschild, qui est derrière probablement si vous voulez, le cartel bancaire qui contrôle les finances mondiales. Un gros problème, les Rothschild, si vous cherchez des gens là. Vraiment à lire, je dirais, à vous informer sur leur cas. La famille Rothschild, c'est toute une dynastie. Puis, le plus vous en savez à leur propos, mieux c'est. Et puis, vous avez ici un échange qui a été rendu public où vous avez un de la famille Rothschild, le fameux Adam Rothschild, qui a appelé notre premier ministre un esclave, ce qui est bel et bien le cas, et a nommé le Canada comme étant un territoire occupé par les sionistes juifs. Alors, ça, c'est ses propres mots, OK? C'est pas mes propres mots, c'est les siens. Allez lire ça, cet article, très révélateur. Alors, on dit que vous avez les différents lobbies israéliens, sionistes juifs, comme la CJPAC, qui s'appelle le Jewish Political Affairs Committee, qui contrôle le premier ministre et contrôle les politiques canadiennes. Alors, ça fait assez dur. Allez voir ça. C'est pas de quoi qui sort de la bouche d'un antisémitique, ça sort carrément d'un sioniste, un des probablement la tête sioniste du monde, la famille Rothschild. L'économie ne va pas bien, ça frappe très fort aux États-Unis. On est même rendu à réduire le nombre de jours de la semaine scolaire. Alors, écoutez, vous avez quelques écoles qui ont retiré une journée. Alors, les écoliers américains vont avoir des semaines de 4 jours à l'école pour essayer d'épargner de l'argent alors que l'économie ne va vraiment pas bien. Alors, ça, c'est plus important de donner de l'argent pour les guerres, vous savez, de dépenser des centaines de milliards de dollars pour mener ces guerres à l'étranger, donner des milliards de dollars à un État criminel comme Israël, avoir des plans de sauvetage de l'ordre de trillions de dollars pour le secteur bancaire et financier de Wall Street. Mais on n'a pas assez d'argent pour envoyer les jeunes 5 jours à l'école. Ça fait assez dur. Okay? Vous avez même des professeurs ici qui ont été rapportés par le Boston Herald, dans lequel on apprend que les professeurs encouragent les enfants à travailler et donner de l'argent, faire des dons aux professeurs. Alors, vous voyez, on est sur le bord d'un effondrement, d'une banqueroute totale aux États-Unis. Alors, vous avez ici un autre article assez cocasse, où on apprend par Associated Press qu'on a la Cour suprême de l'Ohio qui a rendu un jugement la semaine passée. Okay, la Cour a jugé à 5 contre 1, une décision qui a été rendue, comme quoi qu'on va permettre aux officiers de la police de donner des billets de contravention, non plus avec maintenant des radars à vitesse. Alors, vous avez ces fameux radars qu'on pointe et puis on peut savoir à quelle vitesse vous allez exactement. Maintenant, on vient d'autoriser la police dans cet état-là de le faire à l'œil. Alors, le policier vous en regarde passer, il zappe, le gars, il a l'air d'aller un peu vite. On va dire, il a l'air d'aller un peu vite. Selon son jugement maintenant, alors ces billets de contravention-là vont être maintenant être donnés, vont être maintenant acceptés sous jugement à l'œil de l'agent de la police. Alors, voyez maintenant comment qu'on va commencer à plumer arbitrairement encore plus la population. En Grèce, c'est la même affaire. Vous avez le pillage qui va commencer. Vous avez un article ici du Wall Street Journal. Qui est à lire. Vous allez maintenant comprendre que la crise de la dette grecque va être solutionnée avec encore plus de dettes. Les banquiers maintenant se préparent à bouger et puis à tuer la cible, okay? Et puis finalement prendre possession de toute l'infrastructure et puis autant publique que des ressources naturelles. Alors on va commencer maintenant à vendre les institutions publiques comme la poste, les casinos, les pipelines de gaz naturel, les différents ports, les installations de purification de l'eau, les aéroports, les chemins de fer. Alors, ça, c'est une constante qui se passe dans tous les pays du monde, même ici au Canada. Alors, zap, on ruine le pays pour rien. On crée des dettes pour rien. Au lieu de créer notre argent nous-mêmes, on l'emprunte à des banquiers privés. Duh! Hein? Après ça, on se demande quand ça se fait qu'on est dans le trou. Après ça, ben, ce qui arrive, c'est qu'on vous dit que vous êtes dans le trou, que vous êtes le problème, que vous êtes des paresseux, on est dans le rouge, il faut couper partout. Après ça, on vend les infrastructures publiques qu'on a déjà payées pour les vendre au secteur privé, qui après ça va nous charger, va nous passer la facture une deuxième fois, va mettre des postes de péage sur des autoroutes qu'on a privatisées, qu'on avait déjà payées au préalable. Même affaire pour les chemins de fer, etc., etc. Alors, ça, c'est aussi une constante à avoir. On parle ici d'une rage dans les rues qui risque de se propager dans les pays de l'Europe et aussi des États-Unis. Alors, vous avez des historiens de haut niveau, vous avez des analystes, t'sais, des historiens sociaux, des analystes financiers qui aussi avec des corps policiers prédisent un état de rage assez grave. Vous savez, les gens en ont marre, la colère risque de régner en Europe et en Amérique. On pense que ça risque de dégénérer à un point tel où vous avez eu des exercices militaires des forces armées des États-Unis qui, pour la première fois, se sont entraînés, ont mené des exercices aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, approuvés par l'administration Obama. Alors, vous avez trouvé un article hyper important là-dessus. On est en train de se préparer à déplacer des populations entières supposément sous prétexte d'attaques chimiques ou bactériologiques ou quoi que ce soit. Serait-ce parce que les dispersants chimiques dans le golfe risquent de créer une catastrophe médicale, il va falloir déplacer des gens. Serait-ce parce que on va faire sauter une fausse bombe biologique ou chimique dans le centre d'une ville américaine, puis blâmer ça sur l'Al-Qaïda, puis attaquer l'Iran. Et là, on va se préparer. On est en train de se préparer avec l'armée aux États-Unis, une première interdite complètement selon la Constitution. C'est assez grave. On se prépare à ça. On se prépare à de quoi? Vous voyez l'élite, les gouvernements qui se préparent à de quoi de grave qui risque de se passer durant l'été. Vous avez un analyste ici financier qui, lui, se dit, écoutez, je veux pas faire paniquer les gens, là. La situation financière ne va vraiment pas bien. On va dealer avec des problèmes qui vont être avec nous autres pour les 5 prochaines années. Il ne va pas avoir de stabilité pendant un très bon temps, une période d'instabilité très, très, très haute. Okay? Et lui se dit qu'en regardant la situation qui se passe couramment en Grèce, en Hongrie, et puis en Espagne, au Portugal, et puis ce qui risque de se passer ici en Amérique, on parle de la déflation, on parle des taux d'intérêt qui risquent de monter, des scénarios cauchemars qui risquent de se passer. Lui, il dit, écoutez, il dit, je ne veux pas faire peur à personne, là, mais dis-moi, je suis en train de considérer l'achat de fils barbelés et puis de fusils, okay? Parce qu'il dit, les choses ne regardent vraiment pas bien, mais vraiment pas bien. On est en train de créer un désastre économique, on est en train de créer des prétextes pour partir une guerre mondiale, pour essayer de détourner votre attention, vous plonger dans un chaos total, pour après ça que vous vous rendiez à une solution déjà préfabriquée, c'est de vous rendre à cette gouvernance globale, la gouvernance mondiale. Alors, c'est comme ça. Petite bonne nouvelle ici, la Suisse qui est en train de passer à la prochaine étape pour en terminer avec son secret bancaire qui est vieux quasiment d'une centaine d'années. Alors, ça protège beaucoup de criminels. Alors, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Obama qui est en train de déployer des forces armées secrètes dans plus de 75 pays du monde. Alors, en augmentation de l'ère de Bush, de l'administration Bush qui lui en avait à peu près dans 60 pays. Alors, oui, les États-Unis, vous savez, ils se prennent pour des policiers mondiaux et puis déploient des forces spéciales américaines partout dans le monde, travaillent en sous-marin secrètement. On mène des actions. Des fois de déstabilisation, des fois d'assassinat. On fait des actes préventifs, comme on dit, alors des actes de guerre carrément dans des pays. Et puis Obama vient de donner son approbation pour les augmenter, augmenter les effectifs et puis le financement, faire passer des forces spéciales de 60 pays à 75 pays. Et on va leur donner des missions de poursuivre l'Al-Qaïda, ben oui, l'Al-Qaïda. Et puis, vous voyez, là, un article ici, elle est assez important. Là, on va essayer d'économiser de l'argent et puis d'augmenter les fonds pour continuer et puis donner plus d'expansion à ça. Très, très spécial, très spécial. Un autre article du Washington Post ici qui parle de la même affaire. Des opérations spéciales qu'on déploie dans un paquet de pays, en Somalie, au Yémen. On a tué carrément des personnes aussi. Alors, on déploie des opérations comme ça de la CIA. Même affaire au Pakistan. On tue des centaines de personnes. Ça a été condamné par les États-Unis. D'ailleurs, vous avez, je crois que c'est Amnesty International ou l'ONU, un des deux, en tout cas, qui a déclaré que les États-Unis étaient maintenant en première position comme pays qui utilisait les assassinats ciblés dans le monde. Okay? Alors, c'est pas très flatteur. Je vais vous dire, un État complètement hors la loi, un État voyou qui fait fi de la loi internationale, se déplace dans le monde, tue n'importe qui parce qu'il pense que c'est des gens d'Al-Qaïda ou des présumés terroristes. Pas besoin de rien prouver, là. On déplace un drone, on largue une grosse bombe sur un village, on tue 50 personnes, des civils comme ça. Vous allez trouver dans les nouvelles du Moyen-Orient plusieurs exemples de ça. Alors, ça, c'est en train de sortir là, sur la scène médiatique d'un paquet d'organismes très importants comme l'ONU, des experts en loi internationale, Amnesty International, la Commission des droits de l'homme, comme quoi que c'est des crimes internationaux, que c'est complètement illégal, c'est des assassinats ciblés qui sont carrément criminels. Okay? Donc, plusieurs articles à aller voir là-dessus. Je vous parlais ici, vous avez une vidéo de la US Northcom qui se prépare pour des attaques potentielles en sol américain, qui ont déployé des opérations militaires en sol américain, capoté ben raide. Vous avez les opérations militaires, alors les guerres au Moyen-Orient, donc en Afghanistan, en Irak, qui viennent de passer le cap du trillion de dollars, comme je vous parlais un peu plus tôt. Les docteurs qui ont aidé à mettre au point les tests technique de torture du waterboarding sur des suspects terroristes, OK, en possession d'arrestation parmi les États-Unis. Alors ça a été révélé par le Daily Mail. Alors des docteurs qui participent à l'élaboration des techniques de torture. C'est fantastique de voir ça. Une alerte ici par de EU Times où on apprend que la Russie a donné l'ordre à ses troupes de se préparer pour une guerre avec les États-Unis. Alors ça, c'est des nouvelles très, très sérieuses. Alors, voyez un peu là, ce qui se passe. Un article utilisé du Global Research, les États-Unis puis l'OTAN qui déploient un arc de la guerre qui s'étend de l'Afghanistan à la mer Caspienne jusqu'au Caucase. Alors, voyez là aussi, c'est assez important de voir comment on déploie des centaines de milliers de troupes américaines partout, même en Asie du Sud, avec des troupes de l'OTAN. Alors, c'est assez grave ce qui se passe. On se prépare vraiment à des conflits d'un bord puis de l'autre. On est en train de construire des nouvelles bases militaires en Asie centrale aussi. Alors, vous allez voir différentes bases militaires qui vont s'installer au Turkménistan, en Ouzbékistan, dans tous ces pays qui ceinturent ces pays-là, donc Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan et puis d'autres pays. Donc, alors regardez la carte dans cet article-là. Les États-Unis qui ont utilisé des bombes à mines antipersonnelles, OK, à fragmentation, sur des civils au Yémen. Ça a été rapporté par Amnesty International. Alors, vous voyez, des crimes de guerre comme ça, on arrive dans ces villages-là. Un missile américain qui a tué 52 personnes dans un village yéménite. On n'a rien à faire de ces gens-là. Des supposés gens qui se seraient suicidés à Guantanamo auraient été finalement tués. Des homicides qui ont été passés pour des suicides. Une vidéo, allez voir là-dessus. C'est grave. Vous avez l'OMS qui a été accusé d'avoir amplifié la menace du H1N1. On en a parlé pas mal dans l'émission. Alors, vous avez plusieurs articles ici. Un rapport qui a été publié ici par The Guardian en Angleterre qui condamne les experts sur la grippe aviaire, la grippe porcine qui avait des liens avec Big Pharma. Alors, on en parle aussi de toutes ces fraudes-là. Donc, c'est tous ces dossiers-là qui ressortent. On va se laisser peut-être une petite note positive là avec l'histoire du pétrole. Ça continue là-bas de dévaster. On a essayé des nouvelles solutions. Apparemment qu'on récupère un peu de pétrole. Mais là, on est rendu avec des taches de pétrole qui sont à plus d'une vingtaine de kilomètres des côtes de la Floride. On a appris que vous avez de concert BP et puis le gouvernement qui ont essayé de protéger, de faire en sorte qu'on n'a pas divulgué des vidéos et puis des images dès les premiers temps de l'ampleur des dégâts qui avaient lieu dans le golfe du Mexique. Alors, on a confirmé aussi que probablement que le puits de pétrole est percé à différents endroits sous le fond marin. Alors, très, très difficile, évidemment, à contenir si vous avez des fuites multiples sous le fond de l'océan. Alors, ça, c'est un problème qui risque de prendre de l'expansion. Les fuites sont très loin d'être colmatées. La bonne nouvelle, c'est que vous avez des vidéos à aller voir sur les nouvelles internationales où on est de solution avec des microbes qui mangent littéralement le pétrole. OK? Des microbes qu'on pourrait déployer en ce moment qui, en 6 semaines, digèrent tout le pétrole. Des microbes qui sont complètement inoffensifs, qui peuvent être ensuite absorbés par la chaîne alimentaire. Au lieu de prendre des années, des décennies à nettoyer ça, on a des solutions directes en ce moment, mais personne n'en parle. Alors, allez voir ces vidéos fantastiques. Et puis, il y a un autre ici qui parle des fungi, okay, des genres de champignons qui pourraient aussi, si vous voulez, sauver le monde. Alors, allez voir ça, des vidéos en direct de ce qui se passe dans le golfe du Mexique. Alors, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles aussi, on a des solutions à ça. Allez voir toutes les manipulations que BP a faites pour cacher les choses, les liens que BP a avec la Maison-Blanche, Rahm Emanuel. On apprend que la moitié des juges qui sont sur des cas litigent contre des compagnies pétrolières ont des liens, des conflits d'intérêts avec les compagnies pétrolières. Alors, corruption totale partout. Vous avez l'administration Bush qui a approuvé le drillage de nouveaux puits de pétrole, même si on a des désastres en ce moment qui se passent. Alors, allez voir ça. Je crois que vous avez 3000 plateformes d'exploitation pétrolière dans le Golfe. C'est une affaire incroyable. Et puis, on va se quitter avant les vacances en vous disant qu'on va sûrement utiliser ce prétexte-là maintenant pour monter les prix du pétrole. Checkez bien ça dans les semaines à voir jusqu'au mois de novembre. Les prix du pétrole qui risquent d'augmenter et d'atteindre des sommets assez incroyables à l'automne prochain. Alors, allez consulter le reste de tous les articles sur ça. S'il y en a à la tonne sur le pétrole, vous allez trouver tout ça, les articles sur la Corée du Nord aussi. Et puis, pour le reste, on va se retrouver dans une couple de semaines. Alors, moi, je vous salue, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon été encore. Profitez de la belle température. Et puis, je vous salue bien bas. C'était François Marchinat pour L'Autre Monde. Ciao, la gang. Bye-bye. Home. I'll do my best to stay alone.